الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 46 dans l'explication de Sharh Manzumat al-Adab de l'imam al-Sheikh al-Mardawi, rahimahullah, avec les commentaires de Sheikh Salih al-Fawzan, hafadahullah ta'ala. Et on est toujours dans le chapitre au sujet de yani les règles qui ont rapport avec les principes qui ont rapport avec l'héritage et également le fait de faire prononcer au malade qui est mourant de lui faire prononcer la shahada et les règles au sujet de la visite des cimetières. Et on est arrivé maintenant à l'explication d'un vers dans lequel le Cheikh al-Mardawi il dit wa yushra'u lidhukrani زور مقابري ويكره في أول المقال لنهدي. Donc Cheikh Al-Fawzan il explique ce vers. Il dit زيارة القبور مستحبة للرجال لقوله صلى الله عليه وسلم زور القبور فإنها تذكر بالآخرة والغرض من زيارة القبور أمران. الأمر الأول يعني تذكرة الآخرة تذكر الآخرة والاعتبار بأحوال الموتى فإن هذا يلين القلب وينبه من الغفلة والأمر الثاني الدعاء للميت والاستغفار له وهذا ينفع الميت فزيارة القبور الشرعية فيها منفعتان منفعة للحي وذلك بالاعتبار والاتعاظ ومنفعة للميت وذلك بالدعاء له أما الزيارة التي يقصد منها التبرك بالأموات والاستغاثة بالأموات والتمسح بالقبور فهذه زيارة شركية أو زيارة بدعية شركية محرمة كما يفعله عباد القبور الذين يزورون الأضرحة والذين يزورون الأضرحة لطلب الحواجد الحوائج لطلب الحوائج وللدعاء عندها. Donc ici, le cheikh il explique premièrement que la visite des cimetières, c'est quelque chose qui est recommandé pour les hommes, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans un hadith authentique de visiter les tombes parce qu'elles vous rappellent de l'au-delà. Et dans d'autres narrations, elles vous rappellent de la mort. Et donc le but de visiter les cimetières ou de visiter les tombes, c'est deux objectifs. Le premier, c'est de nous rappeler de l'au-delà et de la mort et de prendre des leçons, de méditer sur la finalité de la vie et sur le fait que chacun d'entre nous va mourir dans le but d'adoucir le cœur et de faire en sorte que on soit attentif, hein, et qu'on sorte on quitte notre insouciance vis-à-vis de la vie et de l'importance de se préparer pour l'au-delà. Et le deuxième objectif de la visite des cimetières, c'est de faire des invocations pour les morts et demander pardon pour eux. Et ça, c'est quelque chose qui est profitable pour le mort, à condition, bien entendu, que ce soit des musulmans, hein, parce qu'on n'a pas le droit de faire des doigts ou de demander pardon pour les morts qui sont morts dans le kufr ou dans le shirk. Et le cheikh explique ici que dans la visite donc des cimetières, il y a deux bienfaits. Un premier, c'est le bienfait pour le mort, puisque, en fait, le cheikh il mentionne le vivant en premier. Donc il dit il y a un bienfait pour le vivant, c'est le fait de pouvoir justement réfléchir et prendre une leçon de le fait que tout le monde va mourir et le fait de se rappeler de la mort, ça amène beaucoup de bienfaits. Puisque ça amène les gens à prendre la vie plus au sérieux et à profiter justement de ce qui reste de la vie pour faire des bonnes œuvres et pour se préparer pour l'au-delà et pour notre jugement au jour de la résurrection. Donc ça, c'est le premier bienfait, qui est le bienfait pour les vivants. Tandis que pour le mort, il y a un bienfait aussi, et c'est que lorsque une personne visite les cimetières, eh bien, il va faire des invocations pour les musulmans, qui sont morts et demander à Allah Azza wa Jal le pardon et la miséricorde pour eux. Et ça, c'est un bienfait pour eux. D'accord? Et en ce qui concerne d'autres types de visites des cimetières ou des visites des tombes qui sont faites de la part de certains individus qui sont en contradiction avec l'islam et en contradiction avec la sunna et qui visitent les tombes, au lieu de visiter les tombes pour réfléchir sur la mort ou bien pour faire des invocations pour les morts, eh bien, eux, ils visitent les tombes dans le but de chercher de la tombe une bénédiction. Comme si la tombe et le mort étaient une source de bénédiction et que les morts pouvaient aider les vivants dans leurs problèmes et qu'on pouvait les appeler au secours, leur demander de l'aide ou chercher d'eux la guérison. Hein? Et ça, c'est ce qu'on retrouve chez beaucoup d'entre les mouchriquines qui ont dans leur culture ou dans leur tradition ou dans leur croyance ou dans leur religion le culte des morts, le culte des ancêtres. Hein? Et ça, on le retrouve presque partout dans les cultures des mouchriquines à travers le monde, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique du Sud ou ailleurs, même en Europe. Il y a les différentes cultures, ils vénèrent leurs morts et ils les adorent en dehors d'Allah et parfois même ils les prennent pour des divinités. Et ils vont à leur tombe faire des pèlerinages et chercher de la bénédiction et des invocations qu'il leur adresse. Hein. Au lieu d'invoquer Allah, ils invoquent les morts. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est du shirk. Et ce genre de visite des tombes est strictement interdite en islam. Et c'est une forme de visite qui est déjà une bid'a dans la religion et une forme de shirk également, puisque c'est contraire au tawhid et à l'unicité d'Allah dans son adoration, puisqu'on n'a pas le droit d'adorer personne d'autre que lui. Et donc, c'est ce que font malheureusement les adorateurs des tombes, ceux qu'on appelle parfois en arabe aussi « al-quburiyoun », les gens qui vénèrent les morts et qui vénèrent les tombes et qui vont au tombeau pour chercher des choses, de la bénédiction, ou demander qu'un besoin soit réglé pour eux de la part des morts, et pour faire des doigts ou d'autres sortes d'adorations, même parfois des sacrifices d'animaux ou autres. Donc il n'y a pas de doute que ça c'est haram et que c'est des bid'a et c'est du shirk. Ensuite, le cheikh il explique, il dit « وَكَذَلِكَ النِّسَى لَتَجُوزُ لَهُنَّ زِيَارَةُ الْقُبُورِ كَمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ لَعَنَ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج واللعن يقتضي أن هذا الأمر كبيرة من كبائر الذنوب وقرنها بالذين يتخذون المساجد على القبور والسرج فدل على تحريم زيارة النساء للقبور لأن المرأة ضعيفة ربما إذا رأت قبر قريبها أنها تتسخط وتجزع ويظهر منها منكر في الزيارة من النياحة وغير ذلك وأيضا المرأة عورة وإذا ذهبت إلى القبور ربما يصادفها الفساق ويحصل المفاسد فالمرأة يحرم عليها زيارة القبور وأما قول أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا فيكفي قولها نهينا عن اتباع الجنائز وأما قولها لم يعزم علينا فهذا رأيها هي وكذلك كون عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن هذا لا يدل على الجواز لأنه اجتهاد منها وربما أنه لم يبلغها حديث لعن زوارات القبور ولا حجة في قول أحد أو فعل أحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا الزيارة المحرمة هي الزيارة الشركية أو البدعية وكذلك زيارة النساء للقبور وإنما هذا مقتصر على الرجال ومقتصر على ما جاءت به السنة من مقاصد الزيارة. Donc le cheikh il explique ici maintenant que de même que la visite des femmes pour les cimetières c'est interdit. Et le cheikh, il dit, ce n'est pas permis. Et il y a à ce sujet un hadith qui est rapporté selon Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, par At-Tirmidhi, dans son Sunan, également par An-Nasa'i, également dans son Sunan. Et il mentionne dans ce hadith que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a maudit les femmes qui visitent les cimetières. Et il dit également celles qui prennent ou ceux qui prennent des qui construisent sur les tombeaux des lieux de culte, hein, et qui construisent également des ou bien plutôt qui éclairent les cimetières avec des lumières ou avec des que ce soit des chandelles ou d'autres lanternes, hein, que c'est interdit en islam d'éclairer les cimetières, et c'est interdit également en islam de construire quoi que ce soit sur la tombe, hein, ou l'endroit où la personne a été enterrée. Contrairement à ce qui se fait malheureusement dans beaucoup de pays musulmans, où on construit sur les tombes des pierres, ou bien on met des autels, ou bien on met des constructions, ou bien des, il y en a toutes sortes d'autres choses sur la tombe, tout ça, ça a été interdit. Il ne doit pas y avoir sur la tombe rien de surélevé, yani, et encore moins des mausolées ou des mosquées ou des tombes. Yani, Allah al-Musta'an, beaucoup de soufis ont introduit dans le monde musulman cette bid'a, de même que les shi'a, rafida, ils ont introduit dans le monde musulman ce genre de bid'a qui a amené beaucoup de gens à tomber dans le shirk, hein, du fait qu'ils ont construit sur les tombes des dômes et des mausolées et des mosquées même. Hein. Et les gens vont dans ces mosquées-là parfois pour visiter les tombes et pour faire des pèlerinages aux tombes. Et ils tombent parfois à cause de ça dans le shirk, parce qu'ils font des invocations pour les morts et ils se prosternent devant les tombes. Et ils font même des tours en circulant autour de la tombe de la personne, comme si c'était un endroit pour faire le tawaf, hein, comme la Kaaba, hein, puisque la Kaaba c'était une des premières mosquées construites sur terre. Et il est légiféré de faire le tawaf autour de la Kaaba, mais aucun autre endroit sur terre peut, être comparé à la Kaaba, puisque la Kaaba, ce n'est pas une tombe, hein, c'est une mosquée, c'est un lieu de culte. Et Allah Azza wa Jal nous a légiféré de faire le tawaf autour. Tandis que de faire le tawaf autour d'autres endroits que la Kaaba, hein, une tombe ou une mausolée ou quelque chose de ce genre, et ça c'est strictement interdit et c'est une bid'a. Et c'est du shirk également, puisque c'est une adoration qu'on fait et qui n'a pas été légiférée et qui est offerte à un mort. Donc ça c'est, Allah al-Musta'an, quelque chose d'extrêmement grave qui fait même sortir une personne de l'islam, Allah al-Musta'an. Donc, en ce qui concerne la question de la visite des femmes pour les cimetières, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc maudit les femmes qui le font, et la malédiction implique que ce péché-là fait partie des kaba'ir, c'est-à-dire des grands péchés, parmi les grands péchés, et il a associé ce péché-là avec le fait de construire des lieux de culte sur les tombes et d'éclairer les tombes. Et donc ça, c'est une indication que la visite des cimetières pour les femmes est une chose interdite. Et la raison que le cheikh a mentionné, ou parmi les explications que le cheikh a mentionné, c'est la faiblesse de la femme. Lorsqu'elle voit la tombe, il est possible qu'elle ne sache pas comment se retenir à cause de la tristesse qu'elle ressent, et qu'elle ne soit pas capable de s'empêcher de se fâcher ou de se mettre en colère ou de se plaindre vis-à-vis de la de ce que Allah a prédestiné plutôt de ce malheur-là qui est arrivé du fait qu'elle a perdu son proche. Également, le fait que il se peut qu'il y ait également de la part de certaines femmes des lamentations, hein, et des cris, et bien entendu, ces choses-là sont interdites. De même que parfois, certaines femmes, à cause de la douleur et de la tristesse, elles vont jusqu'à parfois même se déchirer leurs vêtements ou même de se griffer les joues et de déchirer leurs vêtements et même de s'arracher les cheveux parfois. Tout ça, c'est des choses de la jahiliya et c'est des choses interdites qui malheureusement se produisent encore parfois. Et également, le cheikh, il mentionne du fait que la femme, elle est aura, c'est-à-dire qu'elle doit se couvrir et lorsqu'elle va dans ces endroits-là, elle pourrait rencontrer certains pervers et il pourrait y avoir des méfaits à ce que cette femme-là se trouve à cet endroit-là à cause de ça. Donc le cheikh, il dit, il est donc interdit pour la femme de visiter les tombes. Hein, parce que c'est des endroits isolés, parfois c'est pas fréquenté, et si la femme y va et qu'elle se retrouve seule à cet endroit-là et qu'il s'y trouve des gens mauvais ou des gens pervers, eh bien, il pourrait y arriver, il pourrait y avoir quelque chose qui lui arrive à cause de ça. Et en ce qui concerne maintenant le cheikh, il répond à certains arguments de la part de certains des ulamas qui mentionne ou qui considère que ce n'est pas interdit, parce que c'est vrai que à ce sujet, c'est-à-dire au sujet de la question de l'interdiction de la visite des cimetières pour les femmes, il y a divergence d'opinion chez les ulama. Toutefois, le cheikh, il mentionne les arguments de ceux qui le permettent, et parmi l'exemple qu'il a cité, c'est la parole de Atiyah radiallahu anha lorsqu'elle a dit: nous avons été interdites de visiter les tombes, et puis ensuite, plutôt, nous avons interdit de suivre les funérailles. Et elle dit ensuite, walam yu'zam alayna. En voulant dire, c'est pas quelque chose qu'on nous a, c'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'on nous a imposé de façon, c'est pas quelque chose qu'on nous a interdit de façon déterminante ou de façon comme si en voulant dire, on ne l'a pas interdit strictement. Et le cheikh, lui, il répond à ça en disant que, premièrement, il est suffisant de voir que dans le hadith, elle dit, on nous a interdit de suivre les funérailles. Il dit, le cheikh, ça c'est suffisant pour établir que ce n'est pas permis. Et en même temps, lorsqu'elle dit, ça ne nous a pas été interdit strictement, en voulant dire, c'est pas quelque chose qu'on a insisté là-dessus par rapport à nous, les femmes, eh bien, le cheikh, il répond en disant que ça, c'est uniquement son opinion personnelle. Ensuite, il mentionne un autre argument, ceux qui disent que c'est permis pour la femme de visiter les cimetières. Il mentionne comme argument le fait que Aïcha, radiallahu anha, a visité la tombe de son frère Abdurrahman, et le cheikh, il dit que ça ne prouve pas que cela est permis, et il dit que c'est possible que ce soit uniquement un ijtihad, un effort de jugement de sa part, et c'est possible que le hadith en question qui maudit les femmes qui visitent les cimetières ne lui était pas parvenu à ce moment-là, donc elle connaissait pas, elle n'était pas au courant de cette interdiction-là à ce moment-là. Il n'y a donc pas de preuve dans la parole de quiconque ou dans l'action de quiconque autre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et donc la visite qui est interdite en islam des cimetières, c'est la visite dans laquelle il y a du shirk ou dans laquelle il y a des bid'ah, ou la visite des cimetières de la part des femmes, et donc c'est quelque chose qui est strictement limité aux hommes, qui est permis uniquement aux hommes et permis uniquement ou limité uniquement à ce qui est rapporté dans la sunna, hein, parmi les objectifs de la visite. Ensuite, le cheikh, il mentionne, cheikh al-Mardawi, dans l'explication du vers suivant, il dit وَيُهْدِي إِلَيْهِمْ مَا تيسر فعله من البر والقرآن ينفع من هدي وما قد روي عند المزور بقوله. Bon, ça, on va l'expliquer après, soit ça c'est l'autre vers qui vient après. Le cheikh, il explique ici, il dit, هذه مسألة إهداء ثواب الأعمال إلى الأموات, هذه مسألة فيها تفصيل. وما ثبت الدليل بإهدائه فإنه يهدى, وذلك مثل الصدقة عن الميت, مثل الحج عن الميت, العمرة عن الميت, الدعاء للميت, كل هذه أمور ثبت بها الدليل. وإذا تقبل الله وإذا تقبلها الله فإنها تنفع الميت ويصل ثوابها إليه, أما ما لم يرد به دليل فإنه لا يجوز فعله, كأن يقرأ له القرآن ويستأجر مقرؤون يقرؤون ويهدون ثواب الختمات له في رمضان أو في غيره, هذا مبتدع لا دليل عليه. وإن كان يعني وإن كان بعض الفقهاء يقول كل قربة فعلها كل قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت ينفع نفعه ذلك, نقول هذه القاعدة ليست مسلمة, ما ثبت به الدليل فلا ما ثبت به الدليل فلا بأس, وإلا فالأصل أن عمل الإنسان له, قال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى, الأصل أن العمل أجره للعامل ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل, فما لم يثبت به دليل فلا ينفع فلا نفعله, وهذا هو الصواب في هذه المسألة. Donc le cheikh il explique ici que il parle parce que le cheikh al-Mardawi il mentionne ici le fait de donner aux défunts, d'offrir aux défunts ce que tu peux comme bonne action et également récitation du Coran. Donc on avait déjà expliqué dans le cours précédent que le fait d'offrir aux morts la récitation du Coran, que ça ne fait pas partie des choses qui ont été légiférées d'offrir aux morts. Le cheikh, il détaille la question. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Le cheikh, il mentionne des détails à propos de cette question-là. Il dit, le fait de donner la récompense des œuvres aux morts, c'est une question à laquelle il y a des détails à clarifier. Et il dit, s'il y a quelque chose qu'on peut donner qui est établi avec une preuve de la charia, alors, dans ce cas-là, on a le droit de le donner ou de l'offrir aux morts. Et comme exemple de ça, le fait de donner une sadaqa pour le mort, ou le fait de faire le hajj pour le mort, ou le fait de faire la umrah pour le mort, ou de faire des du'as pour le mort. Ça, c'est des choses sur lesquelles il y a des preuves établies sur la légitimité, le fait que c'est permis d'offrir ces actions-là pour le mort, ou de faire ces actions-là dans le but d'offrir la récompense aux morts. Et si Allah Azza wa Jal accepte de cette personne, eh bien ce sera profitable aux morts. Et la récompense lui parviendra, Inch'Allah. Tandis que ce que les gens font de ce genre d'offrande, de leurs œuvres pour les morts, qui n'a pas été établi avec une preuve de la charia, eh bien, il n'est pas permis de le faire à ce moment-là. S'il n'y a pas de preuve à son sujet, ce n'est pas permis de le faire, comme l'exemple de la récitation du Coran pour le mort, et d'offrir au mort la récompense d'avoir récité le Coran. Il dit, cela n'a pas été rapporté par une preuve, et donc, il n'est pas permis de faire ce genre de choses. Et il dit que ni de lire pour le mort, ni d'engager ou de louer les services de certains récitateurs pour qu'ils récitent le Coran et pour qu'ils offrent la récompense d'avoir terminé le Coran, que ce soit dans le Ramadan ou autre que le Ramadan. Cheikh, il dit ça, c'est des œuvres qui sont innovées. Il n'y a aucune preuve dans la charia pour justifier ce genre de choses. Il dit, malgré que certains parmi les fuqaha ont mentionné comme règle que tout acte qu'on peut faire pour se rapprocher d'Allah et qu'on offre et dont on offre la récompense à un musulman vivant ou mort, eh bien ça lui sera profitable. Le cheikh, il dit, cette règle, elle n'est pas acceptée, hein? On ne peut pas l'accepter puisque yani, elle n'est pas supportée par une preuve. Donc on peut dire que de façon générale, la règle c'est la suivante: ce qui a été supporté par une preuve, il n'y a pas de mal dans ce cas d'offrir la récompense de ces actes-là pour le mort. Sinon, la base, c'est que les œuvres d'une personne, eh bien, c'est-à-dire les œuvres d'une personne, elles sont pour lui-même. Ça, c'est la règle de base en islam. Comme Allah Azza wa Jal, il mentionne dans le verset 39, dans Sourate An-Najm, وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. C'est-à-dire, n'est-ce pas que l'homme n'aura rien d'autre que ce qu'il a fait comme effort, et que son effort, c'est ça ce qu'on lui montrera, en voulant dire que la récompense d'une personne, eh bien, c'est uniquement à partir de ce qu'il a fait comme effort pour lui-même. Hein? Et donc, la base, c'est que la personne reçoit la récompense de ce qu'il a fait lui-même. Hein? Il dit voilà, يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. On n'a pas le droit de sortir de cette règle-là ou de ce fondement-là, excepté avec une preuve de la charia pour le justifier. Et ce qui n'est pas basé sur une preuve, alors on n'a pas le droit de le faire à ce moment-là. Et ça, c'est la position correcte au sujet de cette question. Ben, le fait que de réciter par exemple le Coran pour le mort, puisque c'est une bid'a, effectivement, la personne qui le fait, elle a un péché en le faisant, puisque la bid'a, c'est un égarement. Et non seulement il n'aura pas de récompense pour avoir fait cet acte-là, mais en plus il aura une punition. Oui, parce que le fait de faire des bid'a, c'est quelque chose qui est blâmable, et c'est quelque chose qui est interdit. Donc c'est haram et plus, hein? Haram avec quelque chose de plus encore, puisque c'est un égarement. Donc c'est plus dangereux que ce qui est simplement haram. Et donc ça c'est à ce sujet. Et il y avait la parole de Cheikh Ibn Uthaymeen que je pense que je t'avais envoyé la dernière fois, et où il détaille plus, même il ramène plus d'explications encore que ce que le Cheikh Al-Fawzan a mentionné ici. Donc c'est très très bénéfique. Puisque j'avais dit que c'était le cours 46, mais en vérifiant, là, je regarde, puis je vois que effectivement c'était pas le cours 46 aujourd'hui, mais plutôt le cours 48. Je m'étais trompé au dernier cours. Donc, ça, c'est une chose à corriger. Et puis, donc, maintenant, on a expliqué par rapport au fait d'offrir la récompense de nos œuvres pour le mort. On a expliqué que si c'est des exemples de ce qu'on a mentionné, comme ce que le cheikh a dit, pour offrir par exemple la récompense d'une sadaqa ou du hajj ou de la umrah qu'on fait pour le mort, ou bien il y a une idée de dua, ça c'est légiféré, mais en dehors de ça il n'y a rien d'authentique, il n'y a rien de rapporté à ce sujet. Et ensuite, le cheikh, il dit, Cheikh Al-Mardawi, il mentionne le vers suivant. وَمَا قَدْ رُوِي عِنْدَ الْمَزُورِ بِقَوْلِهِ كَمْ مُرْسَلٍ قَدْ جَاءَ فِيهِ وَمُسْنَدِ. Donc ça, le cheikh, il l'explique ici, et on va essayer de terminer le chapitre aujourd'hui, Inch'Allah. Le cheikh il dit, إذا زار القبور فإنه يدعو ويستغفر للميت. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالقبور يستقبل الأموات بوجهه ويقول السلام عليكم يا أهل القبور من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم فإذا مر بالمقبرة يستحب له أن يقول هذا وإذا زار ميتا مخصصا فإنه أيضا يسلم عليه ويدعو له وينصرف وليس لزيارة القبور وقت معين بل متى زارها في أي يوم حصل المقصود. فالذين يخصصون الزيارة بيوم معين ليس عندهم دليل على هذا، وإنما هو استحسان منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور، ولم يحدد يوما، ما قال زوروها يوم الجمعة، زوروها يوم العيد، وما أشبه ذلك مما يظنه بعض الناس. وهذا كلها ليس لها أصل. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne le fait de visiter les tombes, eh bien on va là-bas et on fait des du'as pour les morts. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il passait près des tombes et près d'un cimetière, il se tournait vers les morts, vers les tombes, et il faisait une invocation pour les morts. Et dans cette invocation-là, comme c'est rapporté par l'imam muslim, il disait « Assalamu alaykum, ô habitants des tombes, ou habitants des cimetières, parmi les musulmans et les croyants. Et si Dieu le veut, nous vous rejoindrons bientôt. Et que Allah fasse miséricorde à nous et à vous, à ceux qui nous ont précédés et à ceux qui viendront plus tard. » Et il dit ensuite, « Oh Allah, ne nous prive pas de leur récompense et ne nous éprouve pas après eux et pardonne à nous ainsi qu'à eux. » Donc ça, c'est le dua qu'il faisait lorsqu'il allait dans les cimetières. Il est recommandé de dire ce dua, tandis que si quelqu'un visite un mort en particulier, comme un proche, par exemple, il est légiféré dans ce cas-là de lui faire le salam, de faire le salam, et d'invoquer pour la personne et de s'en aller. Et le cheikh explique qu'il n'y a pas un moment spécifique ou un temps spécifique pour visiter les cimetières ou visiter les morts. Tu peux le faire lorsque l'occasion se présente, et peu importe le jour. C'est ça, c'est l'important. Parce qu'il y a des gens qui s'imaginent qu'il y a un jour particulier dans lequel il est recommandé de visiter les cimetières, par exemple. Et donc, le cheikh, il dit, ces gens-là n'ont pas de preuves pour dire ça. Il dit, le cheikh, c'est juste quelque chose que eux ils pensent être bon. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit de façon générale, visiter les cimetières. Il n'a pas spécifié un jour particulier. Il n'a pas dit, par exemple, le jour du vendredi ou le jour de Eid ou des choses de ce genre, contrairement à ce que certaines personnes s'imaginent. Et il n'y a pas de référence ou de preuve au sujet de ça. Non, en fait, comme tu dis, c'est ça. Il n'y a pas vraiment une considération spécifique ou particulière à cela. Puisque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a mentionné tout à l'heure, il a mentionné une des raisons pourquoi on visite les cimetières, c'est pour se rappeler de l'au-delà. Et donc, à n'importe quel moment où on va y aller, on peut obtenir ce bienfait-là. Ce n'est pas spécifique à un moment, même si dans certains jours, on sait que certaines adorations ont plus de valeur que d'autres. Mais en ce qui concerne la visite des morts, en particulier, ça, c'est pas spécifique à cela, puisque un des objectifs principaux, c'est de se rappeler de l'au-delà. Et l'autre raison pourquoi aussi on va visiter les morts, le cheikh il a mentionné, c'est pour faire des doigts pour les morts, pour demander pardon pour eux et pour demander la miséricorde pour eux. Et ça, on peut le faire n'importe quand. Et on peut le faire même à distance. C'est-à-dire que c'est pas obligé d'être là sur place pour le faire. Donc, si on va visiter le cimetière, eh bien, il y a un bienfait pour nous là-dedans, et il y a un bienfait pour le mort là-dedans, comme le cheikh l'a expliqué tout à l'heure. Le bienfait pour nous, c'est ça nous adoucit le cœur, ça nous rappelle de l'au-delà. Et l'autre bienfait qui est le bienfait pour le mort, c'est qu'on va faire des doigts pour la personne, demander pardon pour elle et la miséricorde. Et donc, ça, c'est n'importe quand. Il n'y a pas un jour dans lequel il y a plus de mérite de le faire que d'autres. Wallahu a'lam. Yakum inshallah. Après, le dernier vers que le cheikh al-Mardaoui il a mentionné dans ce chapitre, c'est le suivant. Il dit ويكره تطييب القبور وسرجها وعن لثمها وَالْأَخْذِ مِنْ تُرْبِهَا زِدِي. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Le Cheikh, il explique. Il dit, هذه الأمور محرمة عند زيارة القبور. يكره تطيب القبور. يعني جعل الطيب عليها. مما يرغب الزوار ويعلق قلوبهم بالقبر. سواء كان هذا الطيب من الطيب السائل أو من الطيب البخور. فلا يجوز جعل المباخر عند القبور ووضع العود فيها. هذا باطل لا يجوز. لا يجعل عند القبور أي نوع من الطيب. وكذلك لا يجوز إسراج القبور بأن يجعل عليها قناديل ومصابيح، لأن هذا يعلق قلوب العوام الجهلة بها. وقد لعن صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج والسرج المصابيح. فلا يجوز إسراج المقبرة أو إسراج القبر. وكذلك يحرم الكتابة على القبر بأن يكتب عليه اسم الميت أو تاريخ وفاته أو ترجمة له. نهى صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبور، لأن هذا وسيلة إلى الشرك وإلى تعظيم هذا القبر والغلو فيه. ونهى عن تجسيس القبور والبناء عليها، لأن هذا مدعاة إلى الغلو فيها. بل تجعل القبور كما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع، يدفن الميت بترابه ويرفع عن الأرض شبر قدر شبر، ولأجل أن يعرف أنه قبر ولا يداس. ويوضع عليه نصيبتان عند أطرافه حتى يعلم حدود القبر، ولا يزاد على ذلك. ولا لا تسريجا ولا كتابة ولا تجسيصا ولا بناء عليها. وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور والدعاء عند القبور، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. أما أنه يدعو للميت هذا مشروع، لأنه يدعو للميت فقط. هذه أمور يجب معرفتها في أحكام المقابر، لأن كثيرا من الناس غلوا في القبور وخالفوا ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فبنوا عليها وصلوا عندها وتبركوا بها ويأخذون من تربتها للبركة ويزخرفونها ويجعلون عليها القناديل والمجامر والطيب والسطور وغير ذلك من أمور الغلو. القبر يترك على ما هو عليه كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزاد على ذلك. Donc le cheikh il explique pour terminer des règles par rapport au cimetière et aux tombes. Et il dit, on va terminer avec ça, parmi les choses qui sont interdites dans la visite, wa alaykum salam, dans la visite des cimetières, il est interdit de parfumer les tombes ou les cimetières pour inciter les gens à venir visiter. Il y a des gens, ils mettent parfois soit des parfums liquides ou bien ils font brûler des encens dans les tombes et dans les cimetières. Et donc, on n'a pas le droit de faire ça, hein? Ni avec le oud, ni avec n'importe quelle autre sorte de parfum. Il dit, il n'est pas permis non plus d'éclairer les tombeaux, soit avec des chandelles, ou avec des lanternes, ou avec n'importe quel autre éclairage. Il dit, parce que le cœur des gens du commun, ils s'accrochent aux tombes à cause de ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit ceux qui font ça. Il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit les femmes qui visitent les cimetières, de même que les gens qui prennent qui construisent des mosquées sur les tombes, ainsi que qui mettent des bougies ou des lanternes sur les tombes. Donc il n'est pas permis de les éclairer. Il n'est pas non plus permis d'écrire sur les tombes. Donc on n'a pas le droit, par exemple, d'écrire le nom du mort. On n'a pas le droit, par exemple, d'écrire la date à quelle date il est mort. On n'a pas le droit non plus de mettre une biographie de la personne sur sa pierre. On n'a pas le droit de mettre de pierre tombale non plus. Toutes ces choses-là sont des choses qui sont des innovations qui ont été rajoutées. Et ça, c'est en partie une imitation des Juifs et des chrétiens. Et ça ne fait pas partie de l'islam. Et le cheikh, il dit que ça peut même être un moyen qui amène les gens à tomber dans le shirk et à vénérer les tombes et à exagérer au sujet des tombes. De même qu'il est interdit aussi de plâtrer les tombes ou de mettre de la chaux sur les tombes et de faire des dômes ou des constructions sur les tombes ou de faire des mausolées. Tout ça, c'est des choses qui amènent les gens à tomber dans l'exagération. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le Baqir, il n'y avait rien de ça. Le mort, il est enterré avec la tombe, avec la terre qu'on a creusé le trou pour le mettre dans le trou. Et la terre qui reste, quand on met son corps dans la terre, on remet cette terre-là par-dessus. Et il dit, la seule chose qui est permise, c'est que tu vas mettre la longueur d'une main de terre, par-dessus tu fais une petite butte avec cette terre. Pourquoi? Pour que les gens sachent qu'il y a une tombe à cet endroit-là. Et qu'est-ce qui est permis? C'est de mettre une indication, une roche à la tête et aux pieds, pour que les gens sachent où est-ce qu'elle commence et où est-ce qu'elle se termine. Comme ça, les gens ne vont pas marcher sur la tombe, parce que ce n'est pas permis de marcher sur la tombe. Donc ça, c'est ce qui est permis. Et c'était comme ça à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais de mettre des choses, ou d'écrire des choses, ou de mettre des lumières, ou des choses de ce genre, tout ça, c'est interdit. Pourtant, maintenant, tu vois dans les cimetières musulmans, ici par exemple à Montréal, Allah Musta'an, oui, il y a un cimetière ici, il y a un cimetière musulman. Mais tu vas voir qu'il y a le minimum, parce que le gouvernement ici, ils ordonnent certaines choses. On n'a pas le choix, malheureusement, comme les cercueils, et comme il faut qu'il y ait un nom écrit. Oui, mais ça c'est contraire à l'islam, mais c'est parce qu'on n'a pas le choix, malheureusement. Ça, c'est une des conséquences négatives de se faire enterrer dans un pays non musulman et de vivre dans des pays non musulmans. Et en fait, ici, tu vas voir qu'il y en a, malgré qu'ils ont décidé de faire le minimum, il y en a qui viennent, ils rajoutent des clôtures, il y en a qui rajoutent même qui viennent mettre des lumières, il y en a qui viennent rajouter des fleurs, il y en a qui viennent même mettre des sortes de fontaines, il y a tout. Du marbre et des choses de ce genre. Donc tout le monde veut rajouter quelque chose. Oui, dans les pays musulmans aussi, malheureusement, c'est devenu comme ça aussi, parce qu'ils ont contredit la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont contredit les règles de l'islam à ce sujet-là. Et c'est l'ignorance aussi, comme tu dis. Donc, quand quelqu'un est mort, un proche, il est mort, les autres ont vu, « Ah, lui, regardez, qu'est-ce qu'il a construit, c'est un gros truc, là, ça, c'est important, c'est bien. » Là, ils vont dire, « Ah, moi aussi, je veux, quand je vais être mort, qu'on va faire ça pour moi. » Et les autres, ils vont dire, « Oh, regardez, lui, il n'a rien mis sur la tombe de son frère, de son oncle, de son... Ah, ça veut dire, il est pas... il donne pas l'importance, il n'aime pas, il n'a pas respecté. » Tout ça, ça devient une compétition. At-tafakhur. Les gens, chacun, il veut montrer qu'il est plus important que l'autre ou qu'il est plus fier que l'autre. Et l'autre, il dit, moi, si je dépense beaucoup, quand moi, je vais être mort, ils vont faire beaucoup pour moi aussi. Et ça devient une compétition. Et c'est ça, la jahiliya. Nasallallahu al-afiyah. Donc, le cheikh, il dit, qu'est-ce qui est permis? C'est de faire les doigts pour le mort, pour demander pardon pour le mort. Et il dit, parce que ça c'est légiféré, mais de faire des doigts de façon générale, d'aller spécifiquement dans la tombe pour faire des doigts, ça c'est pas légiféré. C'est-à-dire que le cimetière, c'est pas un endroit pour aller faire des doigts. Ça peut même amener les gens à faire du shirk, et au lieu de demander pardon pour le mort, les gens ils vont demander au mort. Et donc ça c'est dangereux. Après, le cheikh il dit, les musulmans, ils disent ça, c'est obligatoire de connaître ces règles-là. Ils disent parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans l'exagération à propos des tombes et ils ont contredit ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a interdit à ce sujet-là. Et ils ont fait des bâtiments sur les tombes et ils ont cherché la baraka dans les tombes et ils ont même pris parfois la terre de la tombe comme si c'était une terre bénie, il y a de la baraka là-dedans. Ils mélangent ça avec de l'eau, après ils se lavent avec parce que c'est la tombe du wali. Et il y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire plein de décorations sur la tombe, des chandelles, du parfum, des rideaux. Il y en a plein d'exemples comme ça. Le cheikh dit ça, c'est du rouleau, c'est de l'exagération. Il dit la tombe elle doit rester telle qu'elle, comme c'était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et effectivement, en Arabie Saoudite, quand tu vois, ils ont vraiment fait beaucoup d'efforts pour garder les choses comme selon la sunna. Tu vas dans le baqi', tu vois, c'est comme ça. Tu vois rien. Et même dans d'autres villes de l'Arabie, même à Riyad, par exemple, là où il y a les rois qui sont enterrés, les rois depuis des générations, hein, leur cimetière, tu vois les tombes, il n'y a pas une différence entre la tombe du roi, puis la tombe du boulanger et la tombe du mécanicien, tout le monde c'est la même tombe. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire un dua de façon générale. Peu importe où il va être, de toute façon, Allah Azza wa Jal, lui, il sait où il est. Hein? Et peut-être même ses os sont décomposés complètement. Il est devenu de la terre. Allahu alam. Moi, je ne suis pas au courant de ça. Mais je sais que quand j'ai vu, par exemple, dans le Baqir, il y a des gens qui se font enterrer là-bas depuis des siècles. Et quand ils ont, par exemple, fini une section qui a été remplie, eh bien, ils vont réutiliser une autre section où il y avait déjà eu des gens enterrés, mais qui sont complètement décomposés. Ils réenterrent des gens à cet endroit-là aussi, je pense. Donc, moi, je ne sais pas, je ne connais pas dans la sunna. Vous avez lu ça dans la sunna? Ou bien c'est l'opinion que les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Oui. OK. Mais en tout cas, moi, si vous trouvez un hadith là-dessus... Oui, c'est ça. Non, je comprends. Moi, je ne connais pas non plus. Donc, on va questionner, on va chercher la réponse là-dessus. On va regarder s'il y a des preuves, des hadiths ou des gens, des ulamas qui ont parlé de ça. Et si quand on le trouve, Inch'Allah, on va clarifier cette question-là, Inch'Allah. Wa yakum, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.